eu de droit à une belle surprise en fin de semaine. Victor Véro a remporté le titre de champion canadien dans la catégorie cadette. Et question de savoir un peu comment ça va, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on entend parler de Victor Véro. Bon, on a la chance de parler avec son entraîneur Alexandre Gagné. Salut Alexandre! Bonjour, bon matin, merci. Alexandre, t'es le garçon à Jocelyn, en passant. Les gens, Jocelyn qui est très connu dans le secteur, là, t'es bel et bien son garçon, c'est ça? Oui, exactement. Des fois, c'est plus facile de me replacer dans le point de vue. Oui. Donc, on va y aller maintenant en parlant de ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine. Est-ce que t'as été surpris de voir que Victor est le nouveau champion canadien? Oui puis non en même temps. Je m'explique parce que effectivement c'est une belle surprise. C'est le championnat canadien, donc c'est contre tous les adversaires canadiens du côté cadet. Tout le monde se déplace à sa catégorie ou presque là pour venir disputer le titre. Les mêmes coureurs s'affrontent dans des coupes Canada à différents moments durant l'année. Présentement, il y avait eu deux petits Ontariens qui avaient très bien performé devant Victor. Là, fait que tu sais, on avait des petites appréhensions envers ces deux gars-là. Mais je savais que Victor était très bien entraîné. Je savais qu'il était prêt. Puis je savais également qu'il était à domicile. Il s'est mis à pleuvoir. Victor est vraiment un excellent pilote. Fait que j'ai dit, toutes les conditions vont être difficiles à domicile, puisqu'il va avoir des chances. Puis finalement, ça a été une super belle surprise. Là. Au deuxième tour sur trois, il avait déjà dépassé le premier de pratiquement 30. Okay. 30 quelques secondes, fait que j'étais surpris. Puis il a fini loin devant. Là, je pense que la plus grosse surprise, c'est vraiment la distance qu'il a pris sur le deuxième puis le troisième, là, au-delà de la victoire. OK. Si on parlait de ses forces, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on entend parler de Victor, là, je me rappelle, il y a 3 ans, il avait tout gagné. Ça était quasiment ridicule. Là. Mais est-ce que Victor est un athlète qui peut aller très loin? Ben moi, je pense qu'il y a tout le potentiel, il y a tous les outils pour aller loin. Donc, je pense qu'il est vraiment dans un milieu adéquat, le plus efficace là, pour réussir à le faire progresser. Là. On a un beau centre d'entraînement ici. Le club est bien nanti, capable de supporter ses athlètes. On a un Martin Demers qui est à la tête de tout ça, qui peut aider aussi. On a un jeune entraîneur en moins là, qui veut juste développer, qui veut juste pousser. Cette année, on a bâti une équipe régionale d'entraînement pour moduler les entraînements. Les meilleurs s'entraînent avec les meilleurs. Fait que ça fait en sorte que c'est encore mieux. Il y a des parents exceptionnels qui vont tout mettre en œuvre là, pour réussir à se faire progresser. Fait que, moi, je pense qu'il est dans un milieu adéquat. Il y a le potentiel, il y a surtout l'attitude qui vient avec. C'est un bon jeune garçon. Puis il aime le vélo, il fait le vélo parce qu'il aime ça. Parce que comme tu dis, le 3 ans, il avait tout gagné. Effectivement, c'est le cas. Sauf que depuis ce temps-là, la croissance est différente chez chacun des athlètes. Puis lui, ça avait été retardé une petite affaire. Puis je le répétais sans cesse à ses parents. Quand les hormones vont embarquer, vous allez voir, on va revenir fort. Mais il a mangé son pain noir 2-3 heures. Puis il a fallu qu'on mette du vélo pour le fun. Puis il faisait des compétitions. Mais tu voyais que son attitude ne changeait pas. Puis il aimait ça. Fait que effectivement, il fait le vélo pour les bonnes raisons. Il reste humble, puis il reste bien jeune là, dans ses réactions. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Là. C'est vraiment le fun de travailler avec la famille Véro. C'est quoi la prochaine étape pour lui, là, maintenant? Là? Qui doit performer, qui doit vraiment travailler, là, pour encore une fois s'améliorer. Ouais, il reste jeune, pareil. Des objectifs à long terme, on peut en mettre. Moi, je pense qu'on a cadet. Après ça, il y a catégorie junior, il y a catégorie senior, élite U23, en bas de 23 ans. Puis après ça, on est élite, là. La catégorie, mettons, à l'arme du sport, pour s'orienter un petit peu. Donc, je pense qu'il reste encore du temps en masse. Je pense que c'est juste de bien se préparer, de voir où qu'on se situe par rapport aux juniors, qui est une catégorie là, qui peut nous donner un petit peu plus de feeling sur la suite des choses. Mais pour le reste de la saison, là, il reste à compléter la Coupe Québec. Il est capable d'aller chercher le titre de la Coupe Québec. C'est accessible pour lui. Faut qu'on garde avec son père aussi là les points qu'on a accumulés avec Coupe Canada, si ça vaut la peine de se déplacer, puis peut-être essayer d'aller chercher Coupe Canada, parce que il sera en mesure de gagner le titre au régional, champion québécois, champion canadien, Coupe Québec, puis peut-être Coupe Canada. Mais tu sais, je veux pas mettre de pression, là, mais Moi, je veux juste qu'il s'amuse et qu'on fasse les meilleures courses possibles, peu importe ce qui arrive, là, mais je pense que c'est une belle opportunité cette année. On va fixer ces objectifs-là, puis pour les années suivantes, là, on mettra des objectifs. Hein. La course là, dans la fin de semaine, c'est sûr que ça a dû l'aider, le fait qu'il connaît le territoire. Là. C'est sûr, parce que moi, j'ai couru aussi. Okay. Fait que d'après moi, il a dû avoir les mêmes sensations que moi un peu, que tu as juste à te concentrer sur l'aspect tactique, sur, mettons, quand est-ce que je vais prendre un aliment quelconque, quand est-ce que je vais m'hydrater. Et penser à des choses externes du pilotage. Quand tu es sur un terrain moins connu, faut que tu sois tout le temps alerte sur le terrain, sur quelle ligne je vais prendre, quel endroit je vais me situer, s'il y a quelqu'un qui est à tel endroit, où que je peux dépasser. Tandis qu'à Saint-Fé, on pilote quasiment les yeux fermés parce qu'on sait exactement où il faut aller. Puis la deuxième ligne, on est capable de la prendre. Puis la troisième ligne, on la connaît aussi. Fait que c'est sûr, c'est un avantage là, d'être chez nous. C'est un avantage aussi parce que on s'est entraîné dans ce sentier-là. Fait qu'en ayant l'entraînement est vraiment spécifique au parcours qu'on avait à faire. Puis comme je te disais, avec l'équipe régionale de développement, là, avec l'autre entraîneur, juste on connaît très bien. Ben, et on a fait un camp pré-canadien. Fait qu'on a pu analyser le parcours de long en large, en profondeur, accompagné de Léon Bouchard et quelques athlètes de la Coupe du Monde. Fait que c'est sûr que la préparation, là, on l'a optimisé pour être fort à l'heure. William, son frère, lui aussi, sur le circuit, il y a moins de résultats par contre, mais est-ce que c'est un beau potentiel aussi? Moi, je pense que William, là, c'est un excellent athlète. Il a exactement tout le potentiel et tous les outils que Victor a. Ça, il n'y en a aucun doute. La différence, je pense que c'est sa catégorie présentement est vraiment surprenante, là, est vraiment forte, elle est vraiment dure. Moi, je pense qu'il mérite beaucoup de crédit parce que, écoute, c'est difficile, puis il reste la tête haute, puis il travaille fort, puis... C'est le fun de travailler avec les deux parce qu'il aide beaucoup aussi Victor. Les succès de Victor passent par la famille, puis son frère est tout le temps là à l'entraîner aussi avec moi, puis à voyager. Puis William, c'est super. Puis il a connu une très belle fin de semaine. Puis moi, je pense qu'il est jeune encore, il reste junior. S'il met des bons entraînements là, les années suivantes, là, qui arrivent U23, il est capable de réexploser, puis il est capable même de sortir des bons scores en tout cas. Le club, tu es entraîneur du club Vélo 2 Max de Saint-Félicien. Le club va quand même très bien, encore une fois, parce que Martin Demers tient ça à bout de bras. Ça fait des années que Saint-Félicien et le Toboski ont un beau centre d'entraînement. C'est vraiment dynamique dans le coin de Saint-Félicien, le vélo de montagne. Oui, je suis impliqué de plus en plus à Saint-Félicien, même si je viens de Dolbeau. J'ai resté avec des attaches à Dolbeau. On est comme un peu en coopération, mais effectivement, le club de Saint-Fé, là, c'est de plus en plus fort. On voit un regain d'énergie. Je te dirais que ça a été difficile au cours des dernières années, un petit peu, là, avec l'école de vélo là, pour la relève. Là. Alors, on a perdu quelques adeptes. On était rendu à pas beaucoup de jeunes. Cette année, ça reprend de plus en plus de force. On a de plus en plus de jeunes. Fait que c'est vraiment bien. C'est sûr que côté financier, côté matériel, côté mobilisation, là, on a des membres en masse. Tout le monde se mobilise pour le championnat canadien ou pour une Coupe Québec. C'est incroyable, là, c'est une fourmilière, ça travaille super bien, ça travaille super fort. Puis j'ai pas l'impression que dans ce club-là, il y a des limites. J'ai l'impression que les limites, là, c'est nous autres qui va les mettre. Puis avec Martin, les limites sont hautes en tabarouette. Fait que je suis convaincu que le club va bien. Il reste le côté compétitif qu'il faut travailler un petit peu. On voit une tendance là, à l'intérieur de la FQC, là, la Fédération québécoise des sports cyclistes, puis également dans la Fédération ou l'Association régionale, une baisse un petit peu compétitive pour le récréatif. C'est-à-dire que les raids puis les activités de vélo de montagne prennent du galon, alors que le compétitif en perd un petit peu. Fait que c'est à nous de travailler comment qu'on peut emmener des jeunes à faire de la compétition quand on sait que le but premier de la compétition, c'est de s'amuser. Fait que c'est de ce côté-là qu'il faut travailler fort. Puis là, cette année, l'école de vélo, on est à peu près... on va avoir eu une quarantaine de jeunes qui vont être passés à l'école de vélo à Saint-Fé, puis une quinzaine de jeunes qui vont être passés à l'école de vélo de Dolbeau. Fait qu'on peut dire qu'on est rendu une cinquantaine de prospects pour la relève. S'il y en a qui sont intéressés, on va réussir à les okay. rencontrer. En terminant, Dolbeau, il y avait eu une association avec avec Saint-Félicien pour lancer le club. Comment ça va ce côté-là? On n'entend pas parler beaucoup. C'est-tu difficile? Ça va-tu bien? Ben, tu sais, probablement que tu es au courant, dans tout, ouais. dans tout organisme, dans toute activité, c'est souvent le même monde. Hein? Ouais. Moi, j'ai 5-6 implications. Mon père en avait 5, 6, 7, 8, 9, 10 maisons. David Larouche, qui est président d'Olbeau, hein, est impliqué partout. Les membres du CA sont impliqués partout. C'est toujours ça qui manque un peu. C'est le bénévolat, des fois, qui est difficile. L'association existe encore parce qu'on a même fait refaire un projet. Il y a un projet de Domiski aussi, là, à la Domiski, là, un projet de virer ouais. ça à l'année. Donc, éventuellement, le vélo montagne. Ouais, ouais. Exact. OK. Exact. Fait que moi, je pense que là, on est encore plus fort à s'associer. Effectivement, avec un nouveau président, je pense, de Domiski, Denis Perron, on veut faire quelque chose de plus gros, rendre ça peut-être un peu comme le Tobossi, sans vouloir copier sur le Tobossi, mais mettre quelque chose 3 ou 4 saisons, ça serait intéressant. Moi, je pense que ce qui manque au club, c'est du finance. Ah, okay. C'est beaucoup de finance. Mais regarde, je regarde les dépenses qu'on a à Saint-Félicien, il y a de l'argent mis dans les sentiers. Puis il y en a de l'argent mis dans engager des jeunes qui vont donner un coup de main pour l'entretien puis pour s'impliquer. Là. On est en train de faire un vélo parc à Dolbeau. Je dis on, mais c'est tout Patimore avec quelques jeunes là, qui travaillent là-dessus. Fait qu'ils sont, on est tout le temps taxés. À un moment donné, on vient comme un peu à bout. On essaie d'en faire. On essaie de faire de notre mieux. Puis quand on s'implique, on y va à 100%. Fait que je pense que c'est le financement qui est une grosse okay. C'est le nerf de la guerre. Effectivement. Alexandre Gagné, un gros merci. On s'en reparle sûrement un autre tantôt. Alexandre Gagné, l'instructeur de Victor Véro.